Chapitre 5e, on recrute. Sulpice, appela Belcoeur. Monseigneur me demande. Évidemment, puisque je t'appelle Corbac. Ne connais-tu pas encore ton métier d'écuyer? Je le connais si bien que j'étais en train de boire un gobelet d'Hippocrate à votre santé, monseigneur. J'en buvais même deux, pour rendre raison à Babylas, l'écuyer de Messire de la Varenne, qui, lui, portait la santé de son patron. Fichu drôle, bougonna Roselin, pour ne pas éclater de rire. Dressé sur la porte de la chambre de son maître, Sulpice s'efforçait de prendre un air contrit. Cela ne lui allait guère, avec son museau en trompette et son naturel déluré. En quelques circonstances qu'il se trouva, ce grand gaillard de 30 ans avait pour principe de prendre les choses par le bon côté, qu'il excellait à trouver toujours, et il demeurait gai, imperturbablement, comme un sang d'écolier au sortir de la classe. La trogne quarantenaire de Babylas surgit derrière la sienne, formant avec elle un contraste vivant, tant elle apparaissait renfrognée et lugubre, le nez en bec de Corbin et la moustache tombante à laquelle pendaient encore des gouttes vermeilles d'Hippocras. « Babylas, ordonna Givry, va retrouver monsieur de la Varenne. Il a besoin de tes services. Et toi, Sulpice, prépare sans plus tarder mon bagage et le tien. On part donc, on part. » Enfin, ce séjour de peau me devenait insupportable. On étouffe ici. J'ai soif de la grande route et je suis affamé de liberté autant que de jambon à Pâques. Sulpice, sois satisfait. Nous allons loin, très loin, et nous partons ce soir. Ce soir, répéta Sulpice au comble du ravissement. Lucine est en forme. Jamais la jument de monsieur le baron n'a montré une telle impatience de sortir. Elle est comme moi. Mais moins bavarde. Allons, Sulpice, à l'ouvrage. L'écuyer s'en fut. Roselin le rappela. Apporte tous tes soins à ton fourniment. Comptez-y, monseigneur. Le fourniment est au vrai cavalier ce que le drageoir est aux dames. Il ne manquera au mien ni le sac à balles, ni la flasque à poudre, ni la morsoire. Resté seul, Givry mit un peu d'ordre dans ses affaires et sortit, afin de joindre la Varenne, à qui il avait rendez-vous à la promenade des Ormelettes pour aller chez le trésorier du roi. De là, les deux gentilshommes descendirent en ville, dans le quartier avoisinant l'église Saint-Louis. Rue de Foix, une hôtellerie toute blanche semblait attendre les chalands. Elle portait, battant à la tringle, l'enseigne du broc enchanté. Sur la porte, maître Sidroine Gourgandin, patron de Séan, baillait aux corneilles, ouvrant une bouche large comme la gueule d'un four, ce qui était ici tout un symbole. Guillaume et Roselin se dirigèrent vers le broc enchanté. Voyant arriver de la pratique, maître Sidroine fit sa plus accueillante révérence, toc bas. Les seigneurs désirent un renseignement, répondit Belcoeur. Et une pinte de pinot d'Auxerre, ajouta la Varenne. Au premier mot, la figure rubicon du traiteur avait pris mine de heurtoir. Au suivant, elle s'épanouit. Tout à la disposition de vos seigneuries, dit-il en remettant sa toque et en conduisant les deux officiers dans une petite salle réservée aux gens de condition. D'une pièce voisine arrivaient des bruits de conversation animée, des chocs de peau sur les tables, une chanson bouffonne. Givry alla y jeter un coup d'œil par une vitre encastrée dans le mur. Vous nous servirez là, dit-il. Y pensez-vous, monseigneur, c'est la salle publique. Là, où j'ai coutume de rencoigner les aventuriers, les soldats, les pèlerins, les marchands et les filles, là. Cette fois, Gourgandin se le tint pour dit. Précédant les deux gentilshommes et précédé lui-même de sa vaste bedaine, il leur ouvrit la porte. La salle se peuplait de buveurs bruyants assis autour d'une grande table de chêne. À travers la fumée lancée par une huitaine de pipes garnies de pétain, Roselin et Guillaume allèrent à cette table et prirent possession chacun d'un escabeau. Au bruit de leur entrée, la causerie et les rires cessèrent. Les buveurs levèrent curieusement les yeux sur les arrivants, ce qui permit à certains de substituer leur gobelet vide à celui plein de leurs voisins. « À boire, tavernier !» commanda Belcoeur. « À boire pour tout le monde !»« Combien de pintes ?»« Autant que de têtes !»« Les officiers de la maison du roi ne boivent pas seuls quand ils sont avec de bons compagnons !» « Milieu, que c'est parlé !» s'écria en se levant un grand diable, long comme un jour sans pain, à la figure plus tailladée qu'un pourpoint espagnol. « Gourne du diable, fief, monseigneur !» clama un autre, en se dressant à son tour à côté du premier. Celui-là était court et massif, bâti en force comme le roi Pépin, et d'une rondeur de carteau. Ils remercièrent au nom de la société, puis se présentèrent. Honoré la Guibole, privot d'armes, marseillais, annonça fièrement le grand d'une voix tonitruante. Francaster, dit Francastor, maître pistoletier alsacien, déclara le petit d'un organe flûté. Enchanté, affirmèrent ensemble Givry et la Varenne. Cydroin Gourgandin apportait à boire, aidé en cette tâche délectable par sa femme Mélitine, une accorte commère bien en chair et de caractère facile, à en juger par son air joyeux. Broc, Pinte et Cruchon s'accolèrent à la table. Les gobelets se remplirent. « Buvons, messieurs, dit Roselin, nous causerons ensuite. » Il vida son verre. L'assistant suivit son exemple. Maître la Guibole, commença Belcoeur, j'ai besoin pour un certain temps de 4 couples de bronderies ne boudant pas à la besogne. Il s'agit d'une expédition en pays étranger. Point n'est utile que ses compagnons soient façonnés au monde. Il suffit qu'ils sachent manier une épée et monter à cheval. Certains feront œuvre de gens de service, suivant les nécessités du voyage. Monseigneur, répondit le prévôt d'armes, vous trouverez ici ce que vous souhaitez. Tous les amis ici présents sont de bons enfants dont j'y réponds comme des moi-même. Givry fit avec lui le tour de la table. Les drôles n'avaient pas trop mauvaise mine sous leur costume disparate, auquel le corselet en peau de buffle donnait une apparence d'uniformité. D'aucuns affichaient même une certaine coquetterie dans leur accoutrement. « Quelles sont vos conditions, monseigneur ?» demanda Francastor, la revue passée. « 1 écu par homme et par jour, 1 de plus pour vous deux, mes maîtres. 6 doubles pistoles d'entrée en campagne et la monture fournie par mes soins. » « Voilà qui me convient, » déclara la Guibole. « Et à vous, mes petits agneaux ?» Une approbation unanime fit frémir le voile de fumée qui masquait le plafond. « Affaire conclue, » dit la Varenne, qui se mit en devoir de compter les avances, dont le Marseillais donnait l'acquis en guise d'engagement. « Messieurs, » fit ensuite Givry, « votre service commence ce soir. Rendez-vous à 7 heures au petit pont du Gave. Les chevaux seront scellés. D'ici là, soignez vos effets et vos armes, et soyez exacts. » « Soyez tranquilles, monseigneur. Nous ferons honneur à monsieur de Givry. Vous me connaissez donc ?»« Cap de Dieu ! Qui ne connaît les capitaines Belcoeur, l'ami du roi des Navarres ?»« Eh bien, vous viendrez boire à sa santé ici même à 6 heures. Un souper vous sera servi pour le coup de l'étrier. » Un orage d'enthousiasme passa. Les gobelets se levèrent au cri de « Vive le capitaine Belcoeur !»« Je crois, disait la Varenne en sortant, que nous avons enrôlé une jolie collection de sacripants. Qu'en penses-tu, Givry ?» Il en faut, mon ami, pour les besognes obscures. Et le pays nous allons est bien dangereux. Allons, Guillaume, monsieur l'argentier, soldez à maître Gourgandin la beuverie et le souper. La Varenne paya. Pas à l'aune du broc enchanté, ma Mélitine, sa femme, qui se laissa prendre un baiser au haut de la gorgerette. Chose impossible à refuser un homme de qualité.